Bonjour à toutes et à tous. Pour être présent aujourd'hui, je vous remercie beaucoup pour ce débat qui va être en fait être militant en 2024. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, on va regarder le fond, puis ensuite la forme. Le fond, parce que c'est intéressant de savoir les personnes présentes, quels sont le fond qui les anime, et la forme pour voir la diversité et les différences desquelles on peut s'enrichir. Je vais donc commencer par dire ma propre expérience, que ce serait bien que chacun puisse dire de manière succincte un peu son engagement. Pour ma part, mon engagement, c'est de créer du lien et de donner l'occasion de s'exprimer. Ça, c'est le fond. Et également, en termes d'association, de dénoncer l'épuisement humain dû à une maladie de société et à ses travers d'organisation qui doit être réformée. Je ne verrai certainement pas le résultat. Seulement, je plante une graine. Voilà pour ma part comment je définirai mon engagement. Parce que, avant qu'on fasse le tour de table, on va quand même bien éclairer la situation. Être militant, c'est celui qui combat activement dans des luttes idéologiques. Par contre, être engagé, c'est qui prend position en vertu de ses convictions profondes sur les problèmes sociaux, politiques ou religieux de son temps. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence entre militant et engagé. Il y a une petite différence, que ce mot est quelquefois galvaudé. Alors, militant ou engagé, comment est-ce que vous vous sentez? Je vous laisse prendre chacun la parole. Félice. Moi, je ne me sens pas militant parce que j'ai plus d'action. J'ai participé à Bure. Pour enlever le nucléaire et tout ça. Et je faisais quelques petites actions, mais je ne fais plus, je ne suis plus dans l'action. Donc pour moi, le militantisme est un peu dans l'action. Mais je me sens engagée par rapport à moi-même. Mais tu es engagée moralement. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. D'accord. Passons à une personne, bah tiens, la personne qui est à côté. Dans la forme, militant engagé ou engagé militant, ou ni l'un ni l'autre, ou tous les deux. Jean-Luc. Moi, je ne sais pas, militant. Moi, déjà, il faudrait redéfinir le mot militant. Parce que dans militant, il y a l'aspect militaire. Militant. Ouais. Donc, on peut avoir des synonymes en disant activiste, en disant actif. Il vaut mieux être actif aujourd'hui que radioactif demain. D'accord. Militant qui combat activement dans les luttes idéologiques. Oui, mais moi, c'est le parallélisme avec militaire qui me choque. D'accord. Et engagé, qui prend position en vertu de ses convictions profondes sur les problèmes sociaux, politiques et religieux de son temps. Et écologiques, on pourrait dire. Oui, mais moi, je m'engage, ok. Il faut anticiper. Undino. Alors, tout de suite. Moi, j'ai toujours été militant, engagé sans le vouloir. Dès que je voyais quelque chose qui ne me plaisait pas et c'était dû à un défaut social. Je suis militant quasiment depuis que je suis adolescent. Corinne. Oui, donc moi je n'étais pas du tout militante jusqu'à très tard. Et suite à la crise sanitaire, je suis devenue militante un petit peu active quand même pendant un bon moment. Et puis j'ai essuyé les revers de mes actions, c'est-à-dire des critiques, des rejets. C'était pas simple. Donc je ne renonce pas, mais je suis plutôt engagée maintenant. D'accord. Ce qui me motive en fait, c'est que je me sens pas investie d'une mission, mais je pense que le fait de militer ou de défendre des causes, ça peut permettre aux personnes qui ne sont pas informées de prendre conscience de ce qui se passe dans le monde, quel que soit le sujet, que si personne n'agit et personne n'informe des choses, les gens ne peuvent pas. Quand on ne sait pas, on ne peut pas prendre conscience, donc les choses ne peuvent pas changer. Voilà. Alors moi je m'appelle René-Lise, j'ai un pseudo militant qui s'appelle Lokimor. Moi je suis née dans une famille de personnes engagées politiquement à gauche. Donc j'ai toujours été engagée politiquement à gauche. J'étais engagée jusqu'à ma retraite et à ma retraite je suis passée du côté du militantisme. Pourquoi j'ai pas milité avant? Les raisons sont multiples.

un comité antinucléaire en Lorraine. Manque de peau, on n'avait pas de centrale nucléaire, mais on allait quand même, on allait manifester à Bugey-Cobaye, en Belgique, bon, bref, un peu partout, à Chose, etc. Et diverses causes, et récemment, voilà, toutes les causes que disait Rennes-Lise, les manifs, le gaz, être gazé, l'odeur du gaz, bon, bref, les bagarres, tout ce qui vous nécessite qu'on se bouge, et plutôt que de rester chez soi, voilà, de dire, et en passant aussi par la cause des écrivains, des poètes, tout ça, qui sont méconnus, tout me happe et m'emmène. Alors, est-ce que c'est un bien, un mal? Est-ce que c'est une agitation? Voilà. On va déjà présenter un peu ce voilà. que veut dire être militant et engagé. Voilà. Au suivant. Oui, Françoise. Françoise, elle nous a fait, alors on va passer, mais Françoise nous a fait un merveilleux acrostiche qu'on entendra après. Merveilleux, je ne sais pas. Mais qui correspond bien à la situation. Voilà, c'est une manière engagée de se positionner. Peut-être. Alors engagé ou militant? Militant ou engagé? J'ai commencé à... On va dire à être engagé dès mon adolescence, pareil, surtout sur des sujets d'écologie, avec Vosges Écologie. Quand il y a eu 1986, la catastrophe de Tchernobyl, c'est plutôt le nucléaire qui m'a fait peur. Et en 2011, Fukushima m'a fait plonger vraiment dans une forme de militance en restant chez soi, c'est-à-dire que j'ai créé un blog. Donc le truc, c'était pas de convaincre des gens de quelque chose, mais c'était plutôt d'informer pour que les gens comprennent que le nucléaire était vraiment quelque chose de néfaste. Voilà. Et dans la forme, puisqu'on a plus ou moins entamé la forme en même temps. La forme, c'est le blog, et puis sinon c'est les manifestations, l'infotour, comme disait Jean-Luc, des choses comme ça. Oui, alors c'est intéressant de voir qu'effectivement il y a une différence entre militant et engagé, quoique ça se ressemble. Et en 2024, eh bien, on va voir après ce sujet, qu'est-ce que ça représente vraiment. En fait, on se bat contre des corrompus avec les poches gonflées d'argent. Oui. Et l'autorité avec eux. Oui. C'est la corruption, le fond de tout, enfin qui les tient debout. Oui. Et on sait où, on sait comment. On sait tout, hein, mais alors faire passer avec quelle force, on est bousculé par eux, c'est-à-dire qu'on réagit parfois au 49-3 qui se prépare tout le temps, maintenant c'est 49-3 oui, à tous azimuts. Jean-Luc. Je voulais rebondir parce que la phrase sur laquelle on parlait d'épuisement du militant, en fait c'est suite à une conférence gesticulée dont le titre, c'était « La mort du militant ». Or, la mort du militant, en l'occurrence, et là, nous, on le vit présentement, personne n'est en coup pas morte, hein, mais c'est dans les mouvements associatifs où il y a du salariat, et donc c'est des personnes salariées dans les associations, et bien, en fait, l'essentiel de son temps consiste à aller chercher des subventions pour payer son propre salaire. Bon, moi, je fais juste un parallèle avec le monde dans lequel on vit, où on est de plus en plus suivi, de plus en plus pisté avec les téléphones, c'est pas d'aujourd'hui, avec les cartes bleues, et maintenant avec le numérique, et puis bientôt l'intelligence artificielle. Mais là, ce mode de fonctionnement... De subventions, alors, pour des emplois civiques. Donc là, on ne rejoint plus du tout le militantisme environnemental ou antinucléaire ou humanitaire. C'est du militant basique d'association, de fonctionnement d'association qui est salarié. Et là, on tient... La façon de fonctionner avec ces subventions, ça broie, du verbe broyer, toute l'association, tout le tissu associatif. Parce qu'en fait, avec la subvention, ben, on tient à la gorge toute la subvention. Et donc, le militant en question, il cherchait du passe du temps, la moitié de son temps, à se trouver de l'argent pour son salaire. Alors que, normalement, quand tu travailles, tu scies du bois ou tu vas bûcheronner ou tu vas cultiver ton jardin, un jardin, ou tu produis un document sur ta machine à écrire, tu produis quelque chose. Aujourd'hui, les gens sont payés, mais ils produisent rien. C'est le fonctionnement de la subvention qui est totalement pervers. Et là, en fait, effectivement, le système qui subventionne tout, ben, c'est la mort de l'humain, bah, puisque de toute façon, tu as un total contrôle sur tous les fonctionnements. Il en prend le contrôle total. Il est certain que c'est une manière de déresponsabiliser les gens. Et de ces subventions, ben, on enlève la responsabilité, on attend. Mais il y a le côté paternel de la subvention. La subvention, c'est l'argent de poche du papa, en gros. La subvention, c'est l'État qui paye comme il en a envie. Si tu as été gentil, si tu as fait une belle risette, tu as de l'argent. Si tu n'as pas fait une belle risette, tu n'as pas d'argent. C'est quand même du paternalisme, quelque part, qu'on entretient. Ou c'est une forme de corruption systémique aussi, on pourrait l'envisager comme ça. Ça fait partie de ces moyens de pression et de maintenir les gens dans l'inaction. Parce que d'être bloqué dans une activité unique, de chercher à mettre dans la gamelle, ben voilà, tes actions militantes, forcément, elles sont réduites à quasi néant, quoi. Là, c'est une manière de les faire taire. Oui, de museler les gens, effectivement. Et c'est un peu l'histoire du pain et des jeux. On occupe les gens, leur esprit est en plus partagé entre des informations qui sont tellement multiples et tellement sans fondement la plupart du temps, parce qu'on nous invente une information qui n'est pas du tout fiable, qu'on passe plus de temps à vérifier les sources. Oui, mais justement, on en viendra après. Il y a un engrenage. Qu'est-ce que c'est vraiment, à l'heure actuelle, en 2024, être militant? Mais après, on lancera le débat. On va laisser Pierre nous interpréter une chanson. Qu'est-ce que tu as comme chanson? Donc, une chanson d'un vieux militant, Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe. Elle se moque des bombes, elle se moque des vers. Quand j'étais prisonnière, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins, je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, Prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Bravo! Merci Pierre de nous rappeler les élémentaires. Je rebondirai sur ce qu'a dit Marie-Michel tout à l'heure, parce que je trouve ça très intéressant, du pain et des jeux. Enfin, la question étant, être militant en 2024, comment vous le vivez maintenant? Maintenant, moi, je pose une autre question. C'est que par rapport à du pain et des jeux, et on dit maintenant, on donne à chacun une petite sucette et tout le monde se tait, en gros. C'est ce que j'entends, hein. Là, j'ai juste, par hasard, j'étais en train de lire un livre de Christiane Singer qui dit « Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» Et je sors peut-être un peu du contexte, mais je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est juste une réflexion. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ou quoi. Elle pose la question, elle dit que si nous éludons la prochaine étape, nous refusons de faire preuve d'humanité, parce qu'elle est en train de parler de quelqu'un qui est dans un hôpital et qui est complètement, qui regarde sa vie en arrière, qui se demande ce qu'il en a fait. Bon, voilà. Mais pour le prochain pas qui nous attend, il faut avaler sa salive. À quoi bon courir, camarade? Ne sais-tu pas que le vieux monde, c'est toi? C'est une question, hein? Ouais. C'est une question que je pose. Ah non, mais elle est gonflée, ma question. J'entends bien, hein? Je suis bien consciente que là, je suis en train de mettre un espèce de petit pavé dans la mare. Et juste, l'histoire que je... Là, elle est assez courte, mais je vais vous raconter. Le travail de l'enfantement est dès lors engagé. Une légende d'abord pour donner le ton. Le chevalier à l'araignée. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende. Non. Un chevalier a vu de ses yeux la terrible araignée dont le venin détruit les lieux qu'elle traverse. Il part à fond de train sur son cheval prévenir à la ronde tous les habitants. Mais tous ceux qu'il rencontre se détourne avec effroi et s'enfuit. Désemparé, il fait halte près d'une source pour donner à boire à sa monture. Et voilà que dans le reflet de l'eau, il peut voir enfin que l'énorme araignée est accrochée au cimier de son home, de son chapeau. Donc, on voit le malheur qui arrive, on voit le système et tout, mais quelle est la manière ou la forme qu'on doit emprunter pour justement ne pas le porter en nous, cette horreur et cette annonce d'une catastrophe énorme, pour ne pas apeurer les gens avec qui on rentre en communication. Donc maintenant, je poserai la question, comment militer et que faire et que faisons-nous en 2024 vis-à-vis du fait que quand on se met à militer, on est critiqué, c'est ce que disait Corinne, on est mis au banc, on dit oui mais ceux-là, les militants, fichés, je sais pas quoi, machin et tout. Et en fait, on fait peur. Ok, d'accord. Et comment vivez-vous, vous, ce phénomène-là? Parce qu'il existe quand même ce phénomène de faire peur en tant que militant. Moi, j'ai envie d'ouvrir cette question parce que souvent, on entend des militants qui disent « Oui, mais bon, à chaque fois qu'on l'ouvre, on fait peur, les gens, ils se barrent, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas savoir, et puis personne ne veut savoir ce qui va se passer. » D'accord. C'est une forme de poisse qu'on trimballe avec nous parfois. C'est à ça que je compare l'araignée. Hein. C'est une forme de poisse. Les gens ne veulent pas perdre les acquis qu'ils ont. Alors que rien n'est acquis, mais ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont. Et ça décourage à aller militer ou à s'engager. Enfin, ça a toujours été. Hein. Il y en a qui n'avaient pas le courage d'y aller ou qui avaient peur. Je ne sais pas. On va écouter plusieurs personnes. Parce que moi, là, j'ai juste... Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, que c'est blanc, que c'est noir, que c'est rouge, c'est vert. Je dis simplement, que pensez-vous ? Moi, j'ai pensé tout à l'heure à mai 68, bien sûr, oui. Qui était... Il y avait beaucoup, beaucoup de militants, que ce soit l'agriculture, les étudiants, les ouvriers. Enfin, ça a quand même été, je pense, bénéfique, tous ces militants-là. Et maintenant, c'est vrai qu'on est coincés comme dans des carrés. On ne peut pas repousser les limites du carré, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que la critique du militantisme en interne a été faite, y compris en mai 68. Moi, je me rappelle, il y a deux critiques qui m'ont été faites. D'une part, celle des gens qui disent que, par exemple, la méditation est supérieure à l'action, me disaient certains. méditant, en disant transforme-toi toi-même plutôt que de vouloir vainement appliquer tes fantasmes transformateurs, révolutionnaires à un monde qui finalement, oui, sur lequel tu t'épuises, d'où l'épuisement. D'accord. Ça, c'est une critique, je dirais, des spirituels, si je peux dire. Mais après, il y a qui, oui, dit rien qu'on sent. Oui, alors, exact. Et l'autre côté, en 68 ou après 68, il y avait, à l'intérieur même des 68 arts, il y avait cette idée qu'il fallait vivre le paradis, en quelque sorte, l'existence tout de suite. Et nous voulons tout et tout de suite, disait un journal. Et l'idée même de militer était critiquée. On disait que le militant était quelqu'un d'un peu, bon, on va dire, étriqué, stalinien parfois. Enfin, c'était une critique un peu rigide. Et les gens voulaient jouir sans entrave, vivre sans temps mort, jouer sans entrave, comme disait en 68. Et moi, je me rappelle une de mes expériences écologiques dans les années post-68, bien sûr, un peu après, avec le zoo de haies. On était, le zoo de haies, certains connaissent. On avait voulu sauver sauver un pan de forêt, de la forêt de haies, et on s'était mis au bord de la route, qui maintenant est une grande autoroute d'ailleurs, que tout le monde parcourt malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, entre tous les énoncis, et on avait mis des panneaux, la forêt ou la mort, voilà, on militait. Et certains ont dit, mais on est trop près de la route, on n'est pas bien, allons dans la forêt. Alors moi je disais, mais si on va dans la forêt, c'est bien, mais on ne nous verra plus, le militantisme est tué. Ah, petit chef, qui me disait, à l'époque, toute velléité d'ailleurs de direction militante était prise pour une chefferie. Donc c'était à l'intérieur même du camp révolutionnaire, entre guillemets, une critique du militantisme qui était faite. Bon, je dis ça, et j'en ai vécu d'autres, et pour moi, c'est... Moi, je traduis personnellement, pour ma milité engagée, c'est consubstantiel, merci, à ma nature même, je ne peux pas faire autrement. Alors c'est plutôt pour me faire plaisir, parce que là, aussi, et faire plaisir aux autres, peut-être. C'est vrai que moi j'ai fait pas mal de covoiturage en tant que chauffeur ou en tant que passager, et donc il y a une petite dizaine d'années. Et en fait, je parlais assez facilement, et je parlais d'environnement, je parlais de nucléaire évidemment. Et en général, je terminais toujours mon propos en parlant d'Épinal en transition pour ne pas montrer que du négatif et donc montrer quelque chose de positif. Là, sur Épinal en transition, l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire des tas de choses ensemble. Et ben, je le revis aussi maintenant à travers la SCIC d'énergie, où ensemble, on est en train de créer des choses. Et juste en deux mots, là, maintenant, on parle beaucoup de autoconsommation collective. Pardon. Donc, c'est pour de autoconsommation collective, oui, en termes d'électricité. Voilà. Mais on pourra revenir sur l'autoconsommation collective tout plus tard. Mais c'est montrer aussi les choses qui sont un peu positives. Est-ce que les militants font peur? Oui. Moi, j'aurais envie déjà de dire que des militants, il y en a à droite, il y en a à gauche. D'accord? Depuis toujours, il y a eu des activistes politisés à droite et politisés à gauche. Il y a toujours eu des fascistes et des antifascistes. Des militants fascistes et des militants antifascistes, pour ne prendre qu'un exemple bien, bien clair. Dans le temps, jusque, je ne sais pas, il y a peut-être 10 ans, jusqu'à 2005, voilà, après, jusqu'à Sarko, par là, qui étaient les militants qui faisaient peur? C'étaient les militants d'extrême droite, les fascistes. D'accord? Ils faisaient peur. Et ils étaient réprimés, condamnés, réprimés, voire contre-attaqués par le gouvernement, par les militants, oui, par les syndicats, par tout le monde. Personne n'acceptait que ces militants antifascistes fassent des incursions dans nos manifestations, etc., par exemple. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quels sont les militants qui font peur au gouvernement? Ce sont les militants de gauche. Oui. Est-ce qu'ils font peur réellement? Je suis convaincue qu'ils font peur au gouvernement parce qu'ils défendent des idées justes, oui, parce qu'ils ont des arguments de plus en plus forts à opposer au système politique qu'il désigne comme étant la cause de tous nos maux. D'accord ? Donc c'est sûr, les militants de gauche font peur au gouvernement. Ceux, en tout cas, qui tiennent un discours ou qui défendent des idées qui ne correspondent pas à la doxa. On est d'accord, René. Est-ce que ces militants font peur à la population ? Alors, moi, je dirais indirectement, comme il y a un dictat du gouvernement, un dictat, on ne va pas se mentir, un dictat via les médias, merci, via les médias, automatiquement, les personnes vont être avec une peur, parce que la peur leur aura été transmise. Et puis, ben, moi, je parlerai de mon militantisme à moi, enfin, où je suis engagée, dans l'épuisement. On est dans une maladie de société qui est quand même la compétition, la concurrence, la manie d'évaluation, hein, on évalue tout, l'être humain est évalué, et le culte d'urgence. Les gens sont pris dans cet étau, et effectivement, ils ont l'araignée au-dessus de la tête. Hein. Donc, quelque part, ils font peur aux militants, et les militants leur font peur. J'entends, on est habité par ces choses-là, et on ne peut pas les nier. Les gens, à l'heure actuelle, ne veulent pas qu'on leur casse leur rêve, quelque part. La masse de personnes qui suivent le troupeau ne veulent pas qu'on leur casse leur rêve de réussite, leur rêve de richesse, leur rêve. Ils veulent surtout pas, ils veulent faire fonctionner le système pour, comme une vache à lait, pour en tirer du lait, c'est tout. C'est pas autre chose. Donc, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est le gouvernement. Oui, c'est sûr que les gouvernements successifs, enfin le système capitaliste, a su, depuis l'après-guerre, mettre dans la tête des gens des images de bonheur qui sont du bonheur de consommation. C'est ça. Hein, le bonheur de la consommation dont les gens ont tiré du plaisir. Et je suis d'accord avec toi, ce sont ces petits plaisirs-là qu'ils ont peur de perdre. Voilà. Mais la peur qu'on leur inculque, que l'État, les médias leur inculquent, c'est la peur du militant. Oui, mais c'est militant pas la peur, c'est pas la peur d'un système qui les opprime. Moi, je donnais comme exemple le nouveau. Bon, on va carrément rentrer en politique, hein, puisqu'on est dedans, Le nouveau Front Populaire est arrivé aux élections avec un programme qui a été signé par un prix Nobel d'économie. Non, attends, déjà, le mec, il était sérieux, c'était quand même pas. Brancolin, le gars, c'était quand même un mec qui tenait la route. Est-ce que les gens ont prêté attention à ça ? Pas un poil. Ils n'étaient même pas au courant. Ils ne savaient même pas de quoi on leur parlait. Ils ne savaient même pas que ça existait. Ils ont voté parce qu'on leur a dit « Faut pas qu'il y ait d'étrangers. S'il n'y a plus d'étrangers, il y aura du travail. » Et on reste dans le binaire complètement ridicule. Et on sait très bien que c'est faux. Mais à l'heure actuelle, les gens ont tellement peur qu'on leur casse le jouet. Il y a des gens qui ont dit « Oui, mais dans le nouveau Front Populaire, on va faire payer plus d'impôts aux petites gens. » Or que ce n'était pas vrai du tout. On va faire... Alors, maintenant, ils vont se casser un peu les dents parce que Barnier arrive quand même avec un programme qui va faire qu'ils vont trinquer sec, hein, parce que là, les petites gens vont trinquer, hein, clairement. Mais entre nous, il y a un moment donné où les gens ne regardent pas dans le fond, ils regardent simplement des flashs, mais pour une raison bien importante, et là je vais continuer dans mon engagement, parce qu'ils n'ont pas le temps de penser. Il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a dit, d'ailleurs qui est là, Sylvie, on n'a pas le temps de penser. Elle est venue une semaine ici en Wuffing pour retrouver un peu de l'air, elle a dit, mais on n'a plus dans la vie actuelle le temps de penser. Alors moi, depuis tout à l'heure, j'adore ce débat parce que j'étais militante quand j'étais très jeune. Donc j'ai commencé à être militante après avoir eu... il y a toujours dans la vie quelque chose qui déclenche. C'est pas juste d'un seul coup comme ça, je me réveille le matin, tiens, si je défendais telle cause. J'étais militante, mais alors je me suis attaquée à quelque chose d'un peu gros à l'époque, c'est-à-dire que j'étais militante mais féministe. Et je ne me suis pas attaquée au bon côté de la chose, on va dire. Mais aujourd'hui, ça m'a permis, finalement, en passant par ce côté militant féministe, de me rendre compte que le militantisme, ce n'était pas forcément utiliser les réseaux sociaux, descendre dans la rue, aller brailler à plein le corps alors qu'on sait que par derrière, on a des gens qui, quelque part, et je me suis rendu compte de ça, nous contrôlaient. Donc, il y a le plaisir d'aller de défendre quelque chose, mais pour gagner quelque chose. Et je me rendais compte que j'étais entourée par ces gens-là. Mais moi, j'étais juste dans la rue pour dire les choses que je pensais être essentielles pour un équilibre humain. Véritable. En fait, on ne peut pas évoluer clairement, sincèrement et franchement avec quelque chose d'apaisant dans un monde qui part de travers et qui donne des lois et des côtés absolument, je dirais même vulgaire, dégueulasse, dans une évolution qui mène à uniquement gagner de l'argent, être présent et être accepté par une société qui souhaite qu'on soit tous dans le même sens, qu'on fonctionne et qu'on nourrisse l'État, etc. C'est une question quand même importante, c'est effectivement en 2024, est-ce qu'on a encore le droit ou est-ce qu'on nous donne encore les droits de militer ? Alors moi, je me suis posé cette question. Je me suis dit, je vais prendre le droit de militer, mais différemment. Ah, voilà. Et aujourd'hui, je milite sans Internet, sans quoi que ce soit, juste avec mes idées propres. Et alors, je milite petitement, on va dire. C'est-à-dire juste dans mon quartier, avec mes voisins, dans mon entourage. On met des petits papiers, on se rassemble, on met des petits tracts, etc. Mais juste pour l'équilibre de ce quartier. Parce qu'on se dit que d'un petit point noir, finalement, on peut créer de belles choses. Et le petit point noir de notre quartier, on en fait essentiellement, on en ouvre la parole, etc. Il faut des personnes pour avoir le courage d'aller mettre ses petits papiers dans les boîtes aux lettres, de parler à ses voisins, de dire « aujourd'hui, il y a des choses qui doivent changer ». Alors, c'est pas grand-chose. Par exemple, dans mon quartier, on s'est dit « il y en a marre de cette pollution ». On vit dans un endroit magnifique, on a la montagne, on est dans les Vosges, et il y a plein de gens qui jettent des choses hyper dégueulasses dans nos rivières, dans nos cours d'eau, etc. Et aujourd'hui, c'est « et pour la nature et pour les gens », parce que on estime, d'ailleurs, parce qu'on a un petit groupe aujourd'hui, c'est bien d'en avoir un qui lâche un peu la parole, parce que finalement, on se rend compte qu'il y en a d'autres qui ont envie, mais qui ont peur de parler et d'ouvrir, que ce côté écolo, soi-disant, c'est pas la grosse écologie mondiale dont on parle aujourd'hui. C'est la petite chose des faits de faire entre voisins et de se liguer pour que quelque chose arrête ensemble. Bon, on a bien entendu des voisins qui... On sent un petit peu la révolte. Voilà. À un moment donné, on sent que ça dérange. Juste pour une histoire de pollution de cours d'eau, on sent que ça dérange. Voilà. Mais militer aujourd'hui, c'est se dire... J'y vais tranquillement, peut-être un peu dans l'ombre, mais je continue mon mouvement sans m'arrêter. D'accord. Là, on va faire une petite pause pour écouter Françoise, qui va nous dire son acrostiche. Acrostiche veut dire avec une phrase, elle prend chaque lettre et elle fait une autre phrase avec chaque lettre. Être militant, ce n'est pas seulement ralentir pour vivre et tout faire pour être associativement vôtre, c'est aussi ressentir l'obligation d'agir face aux injustices et aux systèmes d'oppression et réagir pour défendre ses droits, se réveiller, s'indigner et résister. Militer, c'est s'engager pour plus de justice et plus de liberté. Inactif, personne ne veut le rester. Lutter dans la solidarité, comme l'a fait Martin Luther King. Il disait... Je cite, « Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Tout tenter pour essayer de faire changer les choses. Aller jusqu'au bout pour faire valoir ses convictions. Nous voulons tous nous battre pour gagner. Toutefois, au fil du temps, les illusions finissent par s'effilocher devant tant d'impuissance. » Donc là maintenant la question, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table, bien que ce n'est pas une table, pour dire comment vous le vivez, vous, votre militantisme ou votre engagement actuellement, comment vous le vivez? Allez René-Lise, on se lance. Bon, je ne vais pas parler, que de mon engagement. Je vais parler de l'engagement de milliers de militants. Tout à l'heure, Jean-Luc, tu faisais allusion à ce système complètement pourri qui fait qu'on ne peut pas militer dans des associations sans dépendre de subventions, sans dépendre des autres. Donc évidemment, on est depuis très très longtemps coincé, maîtrisé, contrôlé dans nos actions quand on est dans le milieu associatif. Ensuite, il y a la répression qui est apparue. La répression qui est apparue, la répression qu'il y a aujourd'hui dans les manifs n'a rien à voir avec la répression des années 68. Elle est infiniment plus violente. Oui, oui. Et cette répression, ben, elle a commencé par une entrave au droit de manifester. Et puis ensuite, on est surveillé par des services de police. On est fiché S au moindre écart. On est dans les manifestations gazées. On est mutilé. Il y a des éborgnés par des tirs de LBD, il y a des jeunes, des gens qui ont eu des mains et des pieds arrachés par des grenades de désencerclement. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu encore de mort. Rémi Fraisse, c'était plus quelqu'un d'engagé que de militant. Ben, ils ont tué un engagé. Hein. Ils ont tué un engagé. Juste un jeune qui était là, qui venait en soutien d'une manif, il a été tué par une balle. Voilà, donc je veux dire, on a un niveau de répression aujourd'hui qui est extrêmement violent. On en est même depuis un certain temps au stade de criminalisation des militants. Hein? On a vu nos camarades de Bastille Non-Merci, avant eux les camarades de Bure, avant eux les gens des quartiers populaires. Ça fait très longtemps que la police et la justice testent leurs méthodes répressives sur les militants historiques. Aujourd'hui, ça gagne tout le monde. Hein, les gens qui se battent contre l'autoroute à 69. Voilà. Maintenant, la moindre lutte. J'ai entendu l'autre jour qu'un assistant parlementaire, Richie Thiebaud, qui est un jeune des minorités roms, qui est assistant parlementaire d'une députée LFI, s'est fait interdire l'entrée à l'Assemblée nationale l'autre jour pour une position, un tweet qu'il avait fait, en faveur, je pense, du peuple palestinien ou contre les violences policières. Enfin, rien que le fait maintenant d'exprimer une pensée qui est différente de celle de la doxa gouvernementale nous met hors la loi, de fait. Hein? Et ne parlons pas, un exemple, alors je vais citer un exemple pour moi qui est absolument dramatique, c'est celui du génocide qui se passe en Palestine en ce moment quand même. Nous sommes face à un génocide qui est documenté tous les jours. On peut voir des images plus horribles les unes de les autres. Un génocide qui est commis par un État palestinien dirigé par un gouvernement de fascistes, hein, qui mène une politique impérialiste de colonisation, de peuplement. C'est documenté aussi largement. Bon, eh bien, en France, on est un criminel, un délinquant, on est arrêté par la police, on est traîné devant la justice pour apologie du terrorisme, quand on se permet simplement de dénoncer un génocide et une politique de colonisation. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, nous sommes face à des États, l'État français en premier, qui est très, très autoritaire. Et puis en plus, ils font des erreurs. Enfin, moi, je trouve des choses extrêmement graves. Mais graves, quand je dis graves, c'est vraiment dramatique. C'est de vouloir mettre dans la tête des gens, pour moi, ça n'a aucune cohérence, de mélanger le fait d'être critique vis-à-vis d'Israël et de vouloir mettre ça sous le côté juif, alors que ça n'a strictement rien à voir. Attends, simplement, c'est comme si on disait t'es français mais t'es catholique, c'est pour les catholiques que tu parles. Mais non, t'es français, t'es pas catholique, t'es juif, t'es pas israélien automatiquement, ou t'es israélien, t'es pas automatiquement juif. Enfin, c'est grave. Oui. Et je trouve ce qui est grave, c'est qu'avec cette ignorance, moi j'ai été éberluée de voir que l'extrême gauche soit traitée d'antisémite. Ben, je trouve ça mais monstrueux, oui, vraiment, d'en arriver là. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui nous réserve pour demain, Luc ? C'est les slogans de... Non, mais en 74, oui, à Paris, parce que j'étais étudiant à Paris, on défilait dans les rues de Paris et on criait « Ouvrez les yeux, cassez la télé !» Donc cette manipulation par les médias, c'est pas d'aujourd'hui. C'est très important d'en prendre conscience. Qui est-ce qui veut intervenir? C'est de plus en plus vrai dans la mesure où quelques oligarques ont racheté l'essentiel des moyens de communication, que ce soit les télés, les journaux. C'est à la, dans la main de quelques personnes. Donc un certain nombre d'idées bien pensantes sont infusées en permanence et embrouillent les gens. On paye maintenant des gens pour faire des articles, pour démonter des personnes, pour refaire des CV complets à certaines personnes qui sont pour le coup des criminels. Je pense à une personne qui devait purger d'une trentaine d'années de réclusion en Italie, qui est partie en Amérique du Sud à la suite de l'affaire de l'amiante. Puisqu'il y a eu des plaintes pour homicide, parce qu'il y avait connaissance que l'amiante était dangereuse pour la santé, et puis on a exploité le filon jusqu'au bout. Et ce chef d'entreprise, donc, qui a été condamné par la loi en Italie, s'est barré en Amérique du Sud et s'est refait une virginité en étant maintenant un philanthrope. Et toute sa page Wikipédia a été remaniée, revue. Donc on fait et on défait des profils. C'est ta source. Donc je peux citer ma source si tu le souhaites. C'est dénoncé par Fabrice Nicolino dans son dernier livre. Mais enfin voilà. Ça résume quand même un état d'esprit. Un fait qui est d'époque, c'est on est dans la corruption jusqu'aux oreilles. Dans la corruption totale d'un système qui n'a plus aucune loyauté. Vincent, tu veux intervenir après? Oui, ben, c'est Gondino, et puis après Vincent. Bon, ben, la corruption est telle, et puis les actions des partis adverses est telle aussi, que ça va jusqu'à rentrer chez des militants en douce et commencer à leur faire peur. Oui. Moi, ça fait des années que je connais ça. Encore récemment. Et, c'est même pas la peine d'essayer de se défendre, être malin. Il faut laisser les blaireaux rentrer, puis c'est reparti. Mais on va laisser Vincent s'exprimer. Non, il y a plein de choses à dire partout. Tellement il y a de choses qui. Tellement il y a de choses qui nous tombent dessus et qui nous bouclent comme un couvercle à soulever. Donc si on peut respirer un peu parfois, médiatiquement par exemple, on est sur une radio, on est sur Radio Guémozo là, et en ce moment il y a peut-être un combat, je dis ça immédiat, par exemple, et ils veulent, le projet gouvernemental c'est d'enlever 30%, alors on parle de... Non, 30% de subventions aux radios associatives, ce qui se traduirait par exemple pour Guémozo par la perte d'un emploi à l'intérieur de Guémozo. Or, Guémozo, par exemple, entre autres Radio Libre, est une radio qui est née en 81, juste au début des radios libres. C'était Radio Trélunion d'abord, née des luttes d'ailleurs de la CFDT au départ, on va dire occupation d'usines de chez Ancel, et puis par la suite, c'est devenu Radio Guémozo, RGM, et entièrement sans publicité, totalement libre, et cette radio, comme d'autres d'ailleurs, est menacée. Et je donne un exemple, simplement que là, on est un cas présent qu'il va falloir descendre dans la rue ou je ne sais pas quoi, et se bagarrer, parce que les radios libres sont menacées. Et c'est un petit bout de d'oxygène dans le paysage médiatique. Voilà. Pierre. Alors, parce que je pense que c'est sympathique d'entendre des chansons de militants, ça me chauffe un peu le cœur. Une chanson de quelqu'un qui ne militait pas vraiment, c'était Brassens, mais en fait dans ses idées, dans ses chansons, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Oui. Mais lui, il se considérait pas comme quelqu'un de militant. Je peux comprendre. Alors c'est Mourir pour des idées. Ah oui. Qu'il faut mettre en parallèle avec la chanson de Boris Vian, oui. Bien sûr. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante,

le feu au cœur, la vie au ciel. Illuminés de beau, nous poussons le réel à la limite du possible. Impossible n'est pas français, dit l'adage. Le soleil est un militant qui se bat chaque jour et né fainéant, poussé jusqu'au poil de la mort et au-delà du possible, et au-delà si possible. Oui, mais la vie n'est-elle pas suffisante en tant que telle? Mais non. Non. Ah bon. Ah bon. Des fois, j'ai dit un oui puis un non en même temps qui me vient, c'est ce que j'y pourrais. Hein. Non, autre chose titille, me chatouille d'infini, d'éternité. Mais alors, il existe des militants athées. Qu'espèrent-ils, cela hors de la moisissure? Une forme d'éternité quand même, qui va dans un absolu, quelque part, qui nous tambourine la tête. Travail, famille, parti, Jéhovah nous voilà. Le militant est-il machiste, viriliste, du moins volontariste? Il fut vers 68, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, de bon ton de dynamiter la notion de militantisme, y voyant rigidité, frigidité, manie mentale, directive, contraire à la liberté libertaire. Petit chef, disait-on à quiconque émettait la moindre direction, intention, suggestion, appuyée. Et si on faisait ci, et si on faisait ça? Alors, intolérable. Militant, mirliton. Et si ton militantisme n'était qu'un narcissisme? Ah, je milite, je grève, je vitupère au mégaphone. Pompidou, dessous, Macron, au lampion. Ce n'est qu'un début, continuons. Tralala, je suis grisé, gazé, CRS à mes fesses, je suis Dolores, Ibarruri. El Campesino, Gavroche sur la barricade. Le petit Barra, crie, vive le roi! Non, vive la République! Et je meurs criblé de balles. Je suis bien, moi, éthique, engagé. Pas comme tous les pantoufleurs. C'est une métaphore. Hein. C'est pas vous. C'est parce que j'ai écrit comme ça. Tous les pantoufleurs, planqués. Moi, je pense pas qu'à moi, moi. Bon. La lutte, les luttes. Lutte à continue, à la lutte finale sans fin. Ouah! Pourtant, c'est la recherche d'un paradis perdu que les utopies originelles pointent. Alors, de Charybde en Scylla, de paradis en promesse non accomplie, de Sisyphe pas décisif à grande roche sur la gueule, un lutin, un dieu, un démon nous pousse De nous, si le mot merde reste, ce sera bien joli, a dit Céline le maudit et le Père Ubu. « Cultive ton jardin, dit la sagesse, transforme-toi toi-même, plutôt que de t'épuiser à imposer maladroitement tes fantasmes au monde. Soigne-toi, et le rayonnement vers l'extérieur, peut-être, alors viendra. » Voir. « Et si l'action extérieure était la condition de l'action intérieure, a dit Karl Marx et les Marx-Brothers en se marrant. Transformer le monde pour se transformer soi ? Oui, mais ainsi font fort les petits mirlitons, ainsi font fort et brassent le vent à fond. Militer pour ne pas vieillir, enfin, pour contrer le vieillissement et ce chemin vers la mort. Se battre pour les insectes, se battre pour les animaux, les forêts, l'écho des forêts, la mousse des arbres, le mitou et le plein-tout, les coquelicots. Bon, si tu ne sais pas pourquoi tu te bats, la mort, elle, elle le sait. Et le capitalisme, et l'oppression multiple, et la bêtise conforme. Militer pour soulever un peu le couvercle de plomb, de con, de chloroformisme, de l'air, encore un peu de sursis, quelques jours, années, siècles, madame la mort, madame la misère. Il frémit sous la terre ou dans les airs, celui qui a chanté ça, Ferré, le grand Ferré, qui se bat déjà à la guerre de 100 ans. Gueulez, gueulez, mais peut-être c'est son cri qui ne meurt jamais. Gueule, mon frère, disait, dit aussi pas loin d'ici, à Fontenoy-le-Château. François Bâtonnet, le pas maté, Et c'est ça qui soulève les cœurs dans un à jamais. Oh, pas de soi, certes. C'est cuit. Enfin, sait-on jamais, mais de l'espèce. Espèce d'humain, humus, que dit l'autre, que demain, sur nos tombeaux, les blés pousseront plus beaux. Ça me fait une belle jambe. Mais pourquoi pas? Si la jambe est du bois dont on fait les flûtes. Ou de l'os. Les Tibétains en font aussi des flûtes. Os court. Oulon, pom-pom-pom, rom-pom-pom, dit tonton en chanson. La Camargue qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit dans un imbécile. A rigolé le Georges. Ah, celle-là, la Camargue. Canarde. La Camargue canarde. Raison pour se bouger. Militer. Premier pas vers le plus. Vers le transhumain, pointe certains. Continuité vers plus d'éternité. Ou du moins la mort le plus tard possible. Disons, moi, 140 ans. C'est un pari que j'ai fait aussi avec un certain Bernard Vis, que certains connaissent. Il a dit ça aussi. Le premier qui rira de lui ou de moi aura une tapette. C'est le pari riri, le pari ritournel et Paris. Enfin, Paris vaut bien une danse. Une danse, une vie. Alléluia, alléluia. Le rire est un éclat et l'éclat booste. Non, Coluche n'est pas mort. Non, Coluche n'est pas mort. Car il chante encore. Au-delà de nos jeux, petit véhicule, le jeu cosmique et comique, grand véhicule et la musique qui infiniment accompagne notre finissement. Militant, mirlitant, tu, château pointu. Bravo! Voilà, alors on va clore ce débat avec, si chacun pouvait en une petite phrase ou quelque chose de succinct, dire être militant en 2024, qu'est-ce que ça signifie? On va répondre à la question qu'on a posée au début. Pierre, allez, commence et puis on fait tourner. Comme ça, chacun son tour dit comment il se voit en tant que militant. Qu'est-ce que ça signifie pour lui en 2024? Alors pour moi, être militant, c'est être soi-même, s'aimer et puis rayonner de ce que l'on est, de ce que l'on veut voir. C'est moins aujourd'hui manifester que... être bien dans sa peau et le montrer. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis petite militante, je le reste, mais ce que je souhaite avant tout, c'est être bien dans mes baskets, droite dans mes idées et aller de l'avant là où l'humain reste au centre, surtout. L'humain reste au centre. Militer, c'est beau, mais bon, entre-temps, malheureusement, je vieillis comme tout le monde et j'ai perdu beaucoup de mes illusions, comme je le dis dans mon acrostiche, l'impuissance, qu'on milite vraiment ou pas. C'est la question d'atteindre vraiment quelque chose. Militer ou plutôt ne pas mirliter comme militaire, comme le disait Jean-Luc, se mettre en question même dans son propre engagement, se retourner, se virevolter comme j'ai essayé de l'exprimer par un questionnement multiforme et multiple, c'est aller toujours de l'avant dans tout ce qui vous happe et vous propulse. C'est effectivement lutter contre la mort qui est en soi. Et alors, une comparaison, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Puis en ce moment, les termes sont tellement difficiles à évaluer, enfin à peser dans ce vocabulaire. L'islam distingue la grande et la petite guerre sainte. La grande guerre sainte, bien sûr, c'est une forme de militantisme qu'on peut bien sûr contester, ça c'est autre chose, mais on peut dire que c'est un engagement dans le monde. Et la petite guerre sainte, c'est intérieur, c'est la transformation intérieure. C'est ce que je voulais dire, militer en même temps, plutôt se transformer constamment, se contredire et se contrepulser et aller vers, c'est aller vers. Voilà. Mais militer pour moi, c'est avant tout... Comment je pourrais dire, m'éloigner du système qui ne me plaît pas du tout. Et donc continuer à vivre avec les gens qui m'apprécient et que j'apprécie aussi autour de moi. et qui fait régner l'amour. Parce que je crois que c'est ça qui manque beaucoup, en fait, c'est l'amour. Merci. Moi, je partage. Voilà, je partage tout ce qui vient d'être dit. Hein. J'ajouterais que pour moi, militer, c'est évidemment donner un sens profond à sa vie, dans le sens de l'engagement pour une justice collective. C'est sortir de la peur et contribuer à œuvrer pour que la peur change de camp. Pour moi, très pratiquement, hein, je dirais, même quand on n'est pas très engagé et encore moins militant, on peut y venir tout doucement. Il faut premièrement se décoller des médias et de la propagande et s'informer. S'informer, il y a des quantités de moyens alternatifs de s'informer qui s'appuient sur des belles valeurs. Donc, quand on s'informe correctement, on peut se faire une opinion. Et ensuite, cette opinion, on peut en débattre avec les autres. Donc, il faut parler avec les gens qui sont autour de soi. Tu disais tout à l'heure que dans ton quartier, bah oui, vous rencontriez, vous discutiez, vous mettiez des petits papiers, voilà. C'est ça, il faut échanger ses opinions. Il faut discuter avec les gens. Et ensuite, au-delà de ça, on peut quand même essayer de rejoindre des mouvements militants parce qu'ils ont besoin d'appui. Un gros problème des militants, c'est que souvent ils sont en nombre réduit, c'est toujours les mêmes qui bossent, c'est épuisant, oui, à la longue. Et ce qui réconforte, ce qui permet de se régénérer, c'est d'avoir un apport de force nouvelle. Donc, apporter son soutien. Et ce n'est pas compliqué, on n'est pas obligé de tout soutenir, on peut simplement choisir les causes qui nous plaisent, qui nous donnent envie de nous engager. Hein ? Voilà, on ne peut pas être engagé dans tout, mais choisir les causes qui nous plaisent, et puis rejoindre les gens, soutenir leur action comme on peut, à chaque fois qu'ils font une action, ou de temps en temps. Mais quand on ne peut pas aller soutenir concrètement leur action, il faut relayer leurs posts, leurs publications, relayer leurs vidéos, relayer leurs émissions radio, parler de leur action, en parler aux autres, faire quand même ce travail de partage de l'info, de diffusion. Et ça, c'est extrêmement aidant aussi pour les causes militantes. Hein, on manque d'appui, on manque de relais. Il ne suffit pas d'aller mettre un post sur une page Facebook. Il faut relayer. Une bonne information, ça se diffuse sous toutes les formes. Par mail, par les réseaux sociaux, par la parole, comme tu le disais, dans les quartiers, etc. Parler et soutenir. Voilà. Et compte tenu qu'il y a une criminalisation des militants aujourd'hui, il faut aussi se poser la question de l'attitude que nous aurons vis-à-vis d'eux le jour où, face à l'extrême violence policière, étatique, judiciaire, ils seront, et ils le sont déjà, en situation de rétorquer, de se défendre. C'est la position des antifas, de désarmer l'adversaire, c'est la position des soulèvements de la terre, etc. Hein? Toutes choses qui nous sont présentées comme des actes violents, alors que ce sont des actes en défense d'une violence extrême étatique. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est nous, si on n'ose pas aller désarmer, si on n'ose pas aller en contact avec la police, comme le font les antifas, ou en contact avec les fascistes qui attaquent les manifestations, qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport à ces militants-là qui ont le courage de monter au front, hein, comme les résistants pendant la guerre faisaient des actes terroristes qui pouvaient quelquefois être qualifiés de très violents, qui pouvaient l'être concrètement. Donc qu'est-ce que nous, on est prêts à faire pour défendre, soutenir ces gens-là? Bah, je prends la parole tout de suite à René-Lise. Bien sûr, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Mais d'un autre côté, il faut voir aussi qu'est-ce qui est possible. Si on veut aux États-Unis que l'avortement soit légalisé, que la peine de mort soit supprimée, que la sécu soit installée. On ne parle pas d'aller faire du militantisme à l'autre bout de la terre. On parle déjà de faire autour de soi. Ben, comme disait Aurélie, voilà. Les voisins, moi j'ai de très bons voisins avec qui je m'entends très bien. Et comme je dis souvent, Les personnes qui me connaissent savent que je dis ça souvent. Pourquoi aller inviter les extraterrestres dans, je sais pas, 200, 300, 400 ans sur Terre? Il faut déjà qu'on s'entende bien avec nos voisins. Et comme tu disais, Catherine, il y a un vieux monde, mais je crois qu'il y a un nouveau monde qui s'est un peu avancé avec des jeunes, des enfants de divorcés qui ont attendu pour se marier, mais qui finalement se marient. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein de jeunes qui sont conscients des enjeux et tout. Et je pense aussi que par rapport à la chanson de Brassens, de Morlante, de toute façon, il faut être conscient aussi que dès qu'on est, dès la naissance, on meurt un peu chaque jour. Après, militer, c'est aussi se faire plaisir à soi, comme disait quelqu'un aussi. On s'éloigne un peu de la question, comment est-ce qu'on le vit. Mais c'est vrai que c'est... Moi, je pense c'est avoir plaisir avec être avec les autres. Avoir plaisir d'être avec les autres. Jean-Luc, comment est-ce que tu le vis actuellement? Moi, je suis pas du tout optimiste. Donc, je pense qu'il faut effectivement être actif et puis militer dans ce qu'on peut, dans ce qui nous est cher, c'est sûr. On est quand même dans une histoire de l'humanité qu'on n'a jamais vécue. Donc, c'est de plus en plus urgent d'être actif aujourd'hui. Il y a une forme de... d'action qui est, Sylvie en fait partie, il y a des gens qui ont fait des hautes études et qui tournent le dos à leur formation et qui vont radicalement faire d'autres métiers sur lesquels ils n'étaient pas du tout partis dans leurs études de très haut niveau. Donc ça aussi, c'est une forme de militantisme. Donc c'est drôlement important, tout comme cette génération donc de jeunes qui arrivent et qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Alors, être militant en 2024, déjà, ça demande de regarder à l'intérieur de soi-même pour voir ce qui résonne vraiment. Parce que le piège existe autour de nous, on est sollicité de toutes parts. En ouvrant son ordinateur, on a 50 000 causes qui ne sont pas hiérarchiquement sur le même plan, mais qu'on a tendance à vouloir nous présenter comme tel. Ça demande beaucoup de lucidité. Et puis, ça nous incite à l'épuisement si on voulait répondre à toutes les sollicitations. Ça demande de prendre conscience de nos possibilités de chaque jour, parce que physiquement, on est ce qu'on est. On avance en âge. La plupart des vieux militants, on se retrouve un peu comme des vieux croutons. On se rend compte que l'arrière-garde, ça ne suit pas toujours très, très fort. On a bien quelques espoirs de temps en temps, mais dans le global, on se rend compte qu'on est toujours les mêmes sur l'échelon du département. Qu'on aille pour les causes sociales, qu'on aille pour les causes environnementales, que ce soit, quel que soit en fait le domaine, on se rend compte qu'on est toujours les mêmes. C'est un petit entre-soi. On est content quand on va manifester de retrouver les copains. S'il n'y avait pas les manifs, on les verrait moins, parce que voilà, c'est vraiment tout le département, mais on est une petite poignée. Et si on ne veut pas s'épuiser, il faut choisir ses actes. Et puis surtout, ne pas oublier ce qui est à côté de nous, parce que des fois on voit les grandes causes et on voit pas les petites choses de l'humanité qui est autour de nous, et que ça demande une vigilance de chaque instant. Merci Marie-Michel. Corinne. Alors moi je suis d'accord avec Marie-Michel, c'est vrai que c'est important de rester rapproché. Et c'est compliqué pour moi en 2024 d'être militant pur et dur, parce que il faut avoir du courage. Par contre, pour ma part, je reste engagée, et de façon Moi, maintenant, j'essaye de communiquer de toutes les façons, par les réseaux sociaux. Quand j'estime que je dois communiquer, je le fais selon mon instinct, je le fais. Après, je lance une goutte d'eau, je ne sais pas. J'espère rien, je fais mon petit travail de colibri tranquillement. Mais pour moi, ce qui est important, comme le disait Catherine, qui ne dit rien qu'on sent. Et moi, je rajoute, qui ne sait rien qu'on sent également. Donc, je crois qu'on doit quand même rester, si on n'est pas militant, au moins essayer d'informer le plus possible les personnes autour de nous de ce qui se passe, tout en respectant leur évolution et s'ils ne sont pas prêts à nous entendre, le respecter. Alors, on va terminer avec Sylvie. Dis-nous quand même ce que tu es en train de vivre. Alors, moi, j'ai pas vécu vos expériences, mais voilà, j'essaie de mener mon petit bout de chemin le plus en accord avec mes principes et mes valeurs, et c'est déjà pas facile. Voilà, je... Dire quand même que tu es dans un tournant de ta vie. Oui, je me pose plein de questions, j'essaie de trouver... Voilà, tu avais un travail en tant que... En fait, tu es ingénieure en chimie. C'est ça. Et tu avais un travail dans un hôpital, on va pas voilà. dire plus. Et tu as laissé ce travail pour déjà prendre du recul et réfléchir. Voilà. C'est pourquoi tu es ici à Ralentir pour vivre pour une semaine pour du walking. Exactement. Voilà. Et en même temps, ça t'a, enfin, toi, tu as l'idée de changer radicalement de vie. Tu as quel âge ? 46 ans ? C'est ça. 46 ans ? C'est ça. Radicalement de vie et de partir dans l'agriculture ou dans quelque chose qui y ressemble. Voilà. Qui ait du sens, plus. Qui me corresponde davantage et voilà. dans lequel j'espère m'épanouir. Voilà. Donc, c'est vraiment, comme le disait Jean-Luc, et je trouve ça très juste, et c'est une belle conclusion à ce débat, c'est une manière de militer importante. Segundino, voilà, vas-y. Oh. J'espère que je ne vais pas clore la conversation. Je veux dire, depuis que j'ai commencé à militer à adolescent, j'ai vu les choses changer en faveur des militants. Je veux dire, des gens de gauche, des démocraties. Tous les pays de l'Est s'en sont émancipés, parfois violemment, parfois en paix. Ce qu'il y a de triste, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui. Mais depuis 20 ans, ça revient dans l'autre sens. Oui, oui. Là, mais il faut quand même les racines, faut pas se mentir. Hein, les racines de ce qui a été renversé sont toujours là. Elles fondent tous les discours, elles fondent tous les... Voilà. Enfin, moi, je te remercie beaucoup pour ce que tu viens de rajouter. Alors, ben, je vais également donner mon avis. Pour moi, militer en 2024, c'est pour déjà être en paix avec les autres. Parce que quand on est en paix avec soi, on est en paix avec les autres. C'est également être droite dans mes bottes. C'est-à-dire que je ne vais pas baisser pavillon dans une discussion si on n'est pas d'accord avec moi ou si je trouve injuste, je vais le dire. Quitte à mettre un pavé dans la mare, je vais le dire. Comment ? Ne pas se taire. Ne pas se taire, parce que, comme disait Corinne et comme j'ai dit avant, c'est qui ne dit rien qu'on sent. Et pour moi, se taire, c'est la pire des choses. Et la chose ensuite, pour moi, mon militantisme, qui se reflète dans l'association Ralentir pour vivre, ne pas avoir recours aux subventions. Ne pas être sous la tutelle de l'État. Pour pouvoir avoir le droit de dire que l'épuisement, appelé plus communément burn-out, est une maladie de société. Que la société est malade, qu'elle demande à être transformée, que les gens ont vraiment besoin maintenant de vivre et non pas de travailler, de vivre pour travailler, mais de vivre pour vivre, d'accord ? Et qu'on a besoin effectivement maintenant, et je rejoins les politiques, je ne sais pas quand est-ce que ce sera, mais j'ai bon espoir, par contre, Jean-Luc. Oui. On ne pourrait pas demander un petit audit au caillou noir ? C'est quoi le caillou noir ? Ah, BlackRock. Je ne connais pas. Non, bon, non. Dommage. Sur l'épuisement, c'est vachement important. Alors, demandera au caillou noir de nous faire un petit audit. D'accord. Parce que je crois qu'on a des sous à dépenser. D'accord. D'accord, j'ai pas tout capté, mais... Non, c'est du troisième degré, Catherine. Voilà, je vais y arriver à la fin. Mais tout ça pour dire que moi, je reste positive. Et il y a une chose sur laquelle je suis claire dans ma tête, c'est que Einstein, que je n'admire pas ou que j'admire, la question n'est pas là, il disait une chose qui me paraît sensée. Toute matière qu'on compresse, un jour, elle implose. D'accord ? Donc, continuons à compresser l'être humain. Ce ne sera qu'un effet boomerang. Et un jour, ça va bouger. Parce qu'on ne peut pas quand même aller aux limites comme on est actuellement. C'est, je pense là, je ne pensais pas, il y a 20 ans en arrière, connaître le remontée du fascisme, parce qu'on ne va pas se mentir, du capitalisme, du fascisme. Là, on est en plein dedans. En plein dedans. Et là, franchement, paix à l'âme de mon père, mais pour lui, j'ai les larmes aux yeux parce que franchement, je ne pensais pas qu'un jour on reconnaîtrait ça. Et là, il va falloir qu'on y passe. Ce sera un tunnel, mais on va en sortir. Oui, je voulais simplement dire, j'ai le sentiment qu'on est à une charnière des temps. Vraiment. En 68, on a perçu un immense espoir qui a soutenu un militantisme vraiment... un espoir, un grand espoir qui s'est étiolé, qui s'est peu à peu détruit, y compris, moi j'ai vécu ça, dans l'éducation nationale et partout. Et maintenant, en retournement, qui est presque ce que, alors on va se référer peut-être à ce que les hindous disent, l'âge sombre, il y a un extrême, une extrême excitation du négatif à l'heure actuelle, qui... Et partout, guerre, fanatisme, tout cela, tout ce qu'on voit. Et en même temps, pour moi, je crois en la roue du temps qu'il faut pousser. Et cette roue du temps, je rejoins ce que tu as dit, nous va vers autre chose, qui est peut-être alors un meilleur temps, je n'allais pas dire un âge d'or, mais enfin, des perspectives lumineuses. Bon, voilà. Alors, pour être peut-être... peu décalé, puisqu'on n'a pas filmé aujourd'hui, c'est moi qui vais être décalé. Il faut quand même savoir qu'en astrologie, je répète ma petite histoire parce que je l'aime bien, ma petite histoire. Pluton entre en Verseau le 20 novembre. D'accord ? Bon, il a fait des allers-retours depuis le 23 mars l'année dernière. Hein. Donc, réforme des retraites, machin, il a fait 2-3 allers-retours. Donc, Pluton rentre en Verseau le 20 novembre. Et il va y rester pour 20 ans. Ah, je voulais en parler. Et la dernière... Non, mais attends, là je termine, puis on va clore là-dessus. La dernière fois qu'il est passé Pluton en Verseau, c'était en 1789. Juste pour dire. Youpi. Ensuite, quand on a coupé la tête à notre charmant Louis XVI, pour ne citer personne, il y avait la même configuration qu'il y aura en août 2026, c'est-à-dire Uranus en Lion en opposition à Pluton en Verseau. Et donc c'est la même. Donc moi je ne sais rien, parce que je ne suis pas quelqu'un d'érudit ni de spécial, je ne sais rien. Mais il y a des petites choses comme ça qui m'amusent. Et que je trouve amusantes parce que, ouvrons les yeux et regardons ce que ça va donner. Voilà. C'est pas très joyeux, mais c'est comme ça. Alors, il y a un tout petit bout de phrase de trois mots. Oui, vas-y. Un tout petit bout de phrase de trois mots qui me venait souvent pendant tout le débat. C'est les trois mots R du Verseau. C'est ça. C'est-à-dire que depuis qu'on nous l'annonce, je pense qu'elle va finir, elle va arriver, cette R, c'est évident. Oui, mais là... Oui, c'est astrologiquement. Astrologiquement. Oui, oui, oui. Le Pluton, oui. On va résumer. Pluton, c'est une des plus petites... c'est pas une grosse planète, c'est une petite planète. Non, Mais Pluton, c'est... Allez, on a la radio, mais tant pis, hein, puisque bientôt, ils vont couper les subventions, on n'est plus à ça près. Hein, parce que Radio Guémozon, on en est là. On en est quand même là. Eh bien, Pluton, c'est le fouteur de merde. D'accord ? Fouteur de merde en Verseau. Oui. Fouteur de merde à deux. Oui. C'est les deux. Verseau, c'est celui qui voit pour plus loin. Pluton, c'est le foutreur de merde. C'est celui qui amène les bagarres, les trucs, les machins, les renversements. Les... Alors, ça peut être un renversement complètement à l'extrême droite qu'on va vivre jusque-là et puis qu'on va le vivre parce que nos parents et nos grands-parents l'ont vécu. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi qu'on peut passer ça. Avoir peur n'évite pas le danger. On peut passer ça et on le passera. Eux l'ont passé. C'est des choses qui peuvent se passer. Oui, il faut savoir les accepter. Mais on réussira à passer à travers ce tunnel. J'en suis convaincue. Oui. Les situationnistes en 68 disaient qu'on était dans le négatif d'une, en quelque sorte d'une photo. Eh bien, il faut développer la photo et avoir le positif. Alors moi, je suis pas sur l'astrologie, tout ça. Je suis plutôt sur le matérialisme. Je voudrais juste, puisqu'on était dans le partage d'informations, je vous proposais qu'on partage de l'info. J'ai vu une émission, un reportage formidable. C'est un enregistrement de Bernard Friot par Blast, par la chaîne Blast, que je vous recommande. Il y a énormément d'informations sur Blast, entre autres. Bernard Friot, vous savez, c'est cet économiste qui a beaucoup publié toute sa vie sur la sécurité sociale, qui travaille aujourd'hui sur la sécurité sociale alimentaire, etc. Bon. Bernard Friot, qui est un intellectuel de gauche, communiste au sens idéologique du terme, pas idéologie communiste soviétique, hein. Il est vraiment sur l'histoire des communs, des partages des communs, explique dans ce reportage que pour lui, nous sommes dans l'ère de la fin du capitalisme. Et il explique pourquoi il dit ça. Et il ajoute, il y a en ce moment des quantités d'expériences positives, de modèles alternatifs aux capitalistes qui sont en train de se développer. Ça. C'est ponctuel, c'est à droite, à gauche, une zone d'ici, une ferme là, etc. Et donc, il nous enjoint, d'une certaine manière, à regarder comment se passent ces expériences, éventuellement à les rejoindre, ou à en reproduire d'autres, à les multiplier, à les faire grossir, à les faire à s'organiser de manière plus vaste. Et il enjoint les partis politiques aussi, de gauche, les vrais partis de gauche, hein, à contribuer à l'organisation de ces nouvelles formes de société alternative. Et quand on l'écoute, écoutez ben moi je vous recommande d'écouter ça, c'est vraiment boostant, ça redonne le moral, redonne la pêche, et ça a envie de repartir dans le militantisme. Oui, Edgar Morin, qui a 103 ans, a dit, quand il a vu cette montée de l'extrême droite et tout, a dit, il ne nous reste plus que l'issue, c'est les niches et les oasis. Exactement. Voilà. On va terminer avec une chanson de Pierre Feuillet, qui va nous faire une dernière chanson, pas de Pierre Feuillet, mais une dernière chanson engagée. Vas-y. Alors, il paraît qu'il n'y a plus de chanteurs engagés. J'ai entendu ça à la radio dernièrement. Mais non, en fait, s'il y en a encore. Et donc, il y en a un en particulier. Une chanson de HK, non, c'est encore. Alors, vous avez le droit de chanter aussi. Nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, non, non, non, non, nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi a parlé, venu nous annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps,

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la chronique arc-en-ciel sur Radio Guémozo. Un phénomène inquiétant se renforce dans notre pays, contribuant à la restriction des libertés et du droit de vivre dans un environnement sain et naturel. Créé en 2019 sous la houlette de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, et de la bienveillante attention du président de la République, une cellule de la Gendarmerie nationale a pour objet de cibler, poursuivre, surveiller et inquiéter les militants et activistes écologistes. Constituée en partenariat avec le syndicat agricole FNSEA et les trublions du mouvement des jeunes agriculteurs, cette cellule, appelée Demeter, agit et continue d'agir dans l'illégalité. Dans un jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal administratif de Paris, il a été ordonné au ministre de l'Intérieur de faire cesser immédiatement la surveillance illégale des militants écologistes sur des fondements idéologiques. Faisant fi de la décision judiciaire, cette cellule continue de fonctionner en étroite concertation avec la FNSEA et le lobby de l'agro-industrie. Il s'agit de fait de la constitution d'une police politique, à l'image de celle existant en Chine ou en Russie. C'est une violation fondamentale du droit français et européen, issue de la transposition des lois de l'état d'urgence décrété en 2015 suite aux attentats terroristes dans le droit commun. Aujourd'hui, ce sont celles et ceux qui se mobilisent contre la destruction du vivant, de la biodiversité, de l'humanité qui sont qualifiés de terroristes. Pourtant, l'air, l'eau, les sols sont pollués, détruits par les fabricants et les utilisateurs des produits issus de l'industrie chimique pour plus de rendement, pour plus de profit. Cette logique mortifère ne fait l'objet d'aucune contrainte, ni de poursuite, et encore moins de sanctions. Pourtant, ils détruisent sciemment le vivant, la biodiversité, l'humanité, avec la complicité des gouvernants. Et ceux-là même qui détruisent la vie exigent le démantèlement de l'Office français de la biodiversité, chargé de faire respecter les lois de protection de l'environnement. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, s'est émue de cette situation par la voix de M. Michel Forst, rapporteur spécial de la défense de l'environnement, dans un dossier publié en février 2024. Et la répression anti-écologiste risque de s'aggraver dans les semaines à venir avec la nomination de M. Barnier, politicien xénophobe aux ordres des lobbies industriels, au poste de Premier ministre, bénéficiant de l'assentiment du Rassemblement national. Afin d'obtenir le démantèlement de cette police politique, la cellule Demeter, l'association Polynis, connue pour son action de protection des abeilles et des insectes pollinisateurs, a engagé deux actions. La première, devant le Conseil d'État, avec l'Association de protection des animaux L214, pour que soit interdite cette cellule Demeter. La seconde, en lançant une pétition nationale sur son site internet www.polinis.org sous forme de lettre ouverte destinée au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Déjà, plus de 180 000 citoyens l'ont signé. Les défenseurs de l'environnement ont besoin de chacun de nous, de notre soutien sans faille. Nos vies, notre environnement, nos descendants ont besoin de votre mobilisation. Signez et faites signer en grand nombre la lettre ouverte sur www.polynice.org. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci à l'équipe technique de Radio Gémozo pour la réalisation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la chronique arc-en-ciel sur Radio Gémozo. La démocratie n'existe que par l'expression des contre-pouvoirs qu'elle laisse librement prospérer. Étant entendu que lesdits contre-pouvoirs respectent le système démocratique et la liberté d'autrui. Qu'en est-il en France, en Europe, dans le monde aujourd'hui ? Est-ce que nous assistons à l'émergence d'une dérive autoritaire, systématique, au repli sur soi? Les événements, tant nationaux qu'internationaux, semblent confirmer cette redoutable dérive. Les pouvoirs, qu'ils soient politiques, économiques ou religieux, craignent la contestation, craignent de perdre leur emprise et, à un certain stade, renforcent leurs moyens policiers ou militaires pour contrôler, réprimer et sanctionner leur population. Revenons en France, où l'on observe la montée en puissance de cette dérive policière et autoritaire depuis la présidence de M. Sarkozy, confirmée par celle de M. Hollande, qui fit passer dans le droit commun les lois d'exception de l'état d'urgence de 2015, et accentuée par celle de M. Macron. Il serait compréhensible que ces dispositions soient mises en place contre les organisations terroristes ou qui œuvrent à déstabiliser le fonctionnement démocratique du pays. L'occasion était trop tentante pour ne pas s'en servir contre les militants et activistes des contre-pouvoirs qui agissent pour alerter, contester certaines décisions ou réformes comme celle de la retraite à 64 ans, ou s'opposer à des réalisations mettant en péril la biodiversité et l'avenir de l'humanité, comme les mégabassines ou les centrales nucléaires. Effectivement, c'est ce qu'il faut constater depuis quelques années. Le gouvernement, et au premier chef le ministre de l'Intérieur, ne se cache plus pour surveiller, inquiéter, pourchasser, et faire condamner les militants et activistes des associations, des syndicats de salariés. Dans le viseur des autorités, on y voit les militants écologistes qui sont surveillés et fichés, au même titre que les assassins de Charlie Hebdo et du Bataclan. Ces derniers mois, les militants syndicaux sont inculpés, traduits devant les tribunaux, pour avoir tracé des inscriptions défavorable à la retraite à 64 ans sur le bitume des rues. A-t-on vu une fois, depuis que le Tour de France cycliste existe, la police traquer les passionnés du vélo pour avoir tracé sur les routes le nom de leur champion? Récemment, le nouveau ministre de l'Intérieur s'attaque aux associations caritatives d'aide aux migrants, voulant leur interdire l'accès aux centres de rétention administrative. Et si la contestation prend de l'ampleur, rencontre l'approbation et le soutien du peuple, le pouvoir engage des moyens de répression démesurés pour casser, décrédibiliser le mouvement et pour terroriser les citoyens. Ce fut le cas lors des manifestations contre la réforme des retraites, où les forces de police ont agressé volontairement les cortèges pacifistes, comme à Épinal le 23 mars 2023. Ce fut aussi le cas à Sainte-Soline, où le cortège pacifiste et familial a été violemment pris à partie. Tous les moyens sont employés pour faire taire les contre-pouvoirs, y compris l'asphyxie financière. Greenpeace est poursuivi aux États-Unis par les géants du pétrole qui réclament une condamnation financière faramineuse. Faire taire les contre-pouvoirs, faire taire ceux qui libèrent la parole et ouvrent leurs antennes aux sans-grades, aux sans-dents, aux oubliés et aux invisibles. On peut s'interroger quant à la mesure du projet de loi de finances pour 2025 qui vise à réduire de plus de 30% la dotation du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ce fonds qui permet aux radios associatives, dont la vôtre, Radio Guémozo, de pouvoir exister. Est-ce la fin de la démocratie? La question se pose. Mobilisation et résistance sont de rigueur. La démocratie, la liberté et leurs moyens d'expression comptent sur vous, sur nous tous. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci à l'équipe technique de Radio Guémozo pour la réalisation.